Chapitre 18. Adieu, Modestine. Le vendredi 4 octobre, dans la matinée, il fut constaté, après examen, que Modestine n'était pas en état de se remettre en route. Au dire de l'hôtelier, elle avait besoin de 2 jours de repos pour le moins. Mais Stevenson avait hâte d'arriver à Alais, où l'attendait sa correspondance. Il se décida donc à vendre sa compagne de voyage et à partir l'après-midi en diligence. Des acheteurs flairant une bonne affaire ne tardèrent pas à se présenter. Vers 10 heures, il y eut une offre de 25 francs, et avant midi, après un marchandage opiniâtre, l'Anglais céda la bête et le harnais pour 35 francs. Le marché n'était guère avantageux pour lui, mais il y gagnait sa liberté. Ce ne fut que lorsqu'il se trouva sur la diligence, assis à côté du postillon et roulant dans une vallée rocailleuse parmi des oliviers, qu'il se rendit compte de sa perte. Tant qu'il avait eu Modestine à ses côtés, il avait cru la détester. Mais maintenant, il sentait qu'elle lui manquait. Du 22 septembre au 4 octobre, elle avait été pendant 12 jours sa fidèle compagne. Ils avaient fait un trajet d'environ 100 lieues, franchi plusieurs chaînes de montagnes et arpenté avec leurs 6 jambes une infinité de chemins de traverse, les pieds dans les cailloux ou dans la boue. Après la première journée, sauf quelques accès de mauvaise humeur, il avait supporté sa lenteur avec patience. Quant à elle, la pauvre bête, elle le regardait presque comme un dieu et elle se plaisait à manger dans sa main. Elle était patiente, élégante de forme, d'un gris idéal et de taille si menue. Ses défauts étaient ceux de sa race et de son sexe, mais ses qualités, elle ne les devait qu'à elle-même. Pauvre Modestine, il ne devait plus la revoir. Le père Adam avait pleuré quand il lui avait livré l'ânesse, et lui, l'ayant vendue à son tour, était sur le point de pleurer pareillement. Et il aurait, dit-il, cédé à son émotion s'il n'avait pas eu près de lui le postillon et 5 ou 6 joyeux compagnons de voyage.